Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki, les sorties culturelles alternatives de Sébastien Dulude. Et à part de ça, il va y avoir plein de bonne musique et puis il va y avoir nous deux, Mathieu. Hein, nous deux? Wow! Assemblage Ruki, ça commence tout de suite! Et bonjour et bienvenue à cette édition d'Assemblage Ruki, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante. Et moi c'est Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Salut, oui, toi ça va? Ben oui, ça va très bien. Hey, nouveau mercredi, nouveau jeudi hein, pour les palmarès, c'est fou, t'as remarqué ça? Ben oui, nouvelle formule pour les palmarès, donc toi t'arrives déjà là, de 2 heures de radio. Oui, mais tu sais, j'en ai jamais assez moi, je me mets dans le beurre de même. Ah oui, c'est palmarès, la musique. Un junkie des palmarès. C'est ça, on m'appelle Mathieu Junkie Plante d'ailleurs. Hey, Dr. Junkie. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir Sébastien Dulude pour sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. Il appelle ça « Va voir ailleurs si j'y suis ». Hein? Ça va être tantôt, ça, vers la fin de l'émission, je dirais. Oui, et puis c'est principalement ce qu'on a au programme aujourd'hui. Sinon, comme d'habitude, quelques trucs qu'on va vous garrocher dans les 2 prochaines heures comme ça, mais surtout de l'excellente musique. Bien sûr, quoi d'autre, ça? C'est ça. On va commencer ça tout de suite, hein, d'ailleurs, en musique, avec un extrait du palmarès francophone. C'est la pièce Hôtel Morphée, la pièce Danse sur les toits, en fait, du groupe Hôtel Morphée. Tout de suite à Assemblage Ruki sur les ondes de C'est Fou, 89 points. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur, laisse grandir le moteur. Défiler les acteurs, descend doucement la vitre, prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde, prends ton temps et respire. Encore. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé, que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. Reste bleu même quand c'est nuageux. Je sais que tu es vieux, mais la vie reste en jeu. Je te jure que je vais t'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond béant. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles dedans. Cool. j'espérais, et c'est déjà ça doit être la petite charrue qui m'en troublait. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin, ben vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avait plus de boutons, des gros tétons, pis un partiel. J'ai continué de marcher dans la lumière des rayons du Dolorama. Je prenais n'importe quoi en sachant que ça servirait pas. Je me suis souvenu, nous autres, on l'aimait bien. Ça y est qu'une pièce pour y poigner les seins. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant, payé à satisfaire son client. Assis du comme ses amis les chinois. Merci, bonsoir, Miran, c'est le manant. Fred Fortin à Assemblage Requis avec sa nouvelle pièce. En fait, la nouvelle pièce qui se retrouve sur le palmarès, c'est Dolorama, sur le palmarès francophone que vous pourrez entendre. D'ailleurs, demain, dès 13h, ici sur les ondes de C'est fou, donc tout le palmarès francophone va être diffusé en rafale demain de 13 à 15h, animé par Mathieu Plante. Donc, manquez pas ça. Et puis, si vous êtes fan de Fred Fortin, mais aussi Fred va être en spectacle ici à Trois-Rivières, c'est le 28 novembre prochain, et il va être en entrevue téléphonique ici à l'émission Assemblage Requis la semaine prochaine, c'est mercredi prochain, le 25 novembre. Donc, manquez pas ça pour les fans de Fred Fortin. Puis en plus, il y a même d'autres choses que vous pouvez surveiller si vous êtes vraiment un très grand fan de Fred Fortin. La Bête volumineuse, c'est un documentaire d'une heure consacré entièrement à lui, Fred Fortin, qui va être diffusé sur les ondes de Radio-Canada. Mais j'essaie de trouver la date et puis je pense que c'est vraiment pas mentionné encore. Tout le monde parle du documentaire qui va être diffusé à Radio-Canada, mais pas de date de diffusion pour ce documentaire. Mais bon, ça s'appelle La Bête volumineuse, documentaire sur Fred Fortin. Est-ce qu'il va manger de la gomme dans le documentaire? Comme? Je sais pas. Hey, t'es vraiment bonne ta gomme. Je sais pas si sa petite fille va manger de la gomme parce que c'est ça. Tu savais que c'est une pièce qu'il a écrite pour sa fille. Pour ouais. Léonie. Léonie, exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Une petite chanson, framboise et pomme. Ouais, puis même aussi, tu connais-tu le projet musical qui s'appelle Gros Menin? Non. Okay, c'est un groupe, dans le fond, c'est un album qui a été sorti dans la fin des années 90, là, peut-être en 98, dans ce coin-là. Et puis. Fred Fortin qui était le leader de tout ça, il y avait aussi Olivier Langevin puis Pierre Bouchard, je sais plus trop. En tout cas, c'est un genre de trio là, de gars qui ont des bands de rock au Lac Saint-Jean qui a sorti ça. Puis sur cet album-là, il y avait une pièce qui était chantée et interprétée entièrement par son fils, Fred Fortin, qui est un petit peu plus vieux aujourd'hui, mais qui à l'époque était vraiment bébé, là, il avait comme 3 ans. Puis il jouait du drum, c'était assez cacophonique. Puis la pièce s'appelait d'ailleurs Saku Koivu. Ah. Peut-être qu'on pourrait l'écouter un jour. Peut-être. Hein? Uh-huh. Ça a l'air suspect un peu, mais ça pourrait être intéressant. Effectivement, c'est un peu douteux. Qui met sa famille dans sa musique. Je trouve que c'est une bonne idée. En même temps, musicalement, est-ce que c'est toujours... Non, c'est ça, mais tu sais, je pense que Fred Fortin l'a toujours dit aussi qu'il faisait de la musique vraiment pour lui, là, pour son trip. Il se fout un peu, là, il se fout un peu de ce que le monde va en penser, puis des critiques, puis tout ça. C'est de l'anticommercialisme. Ouais, mais en même temps, ça donne quand même de quoi de pas si... Non, c'est ça. Cette pièce-là en particulier, en tout cas, moi, chanson Toon pour Léonie, je l'adore. Oh, ouais, c'est ça, te donne quand même quelque chose qui est très, très passable à la radio. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Je crois qu'on l'a pas dit dans le plan tantôt, hein, parce que tu sais le plan des fois est moins volumineux. Il a quand même une partie importante. Le plan cette semaine, on va recevoir aujourd'hui Philippe Antaya du Journal Zone Campus, qui vient d'habitude le jeudi. Là, il va être ici avec nous aujourd'hui, tantôt vers les 16h, pour parler du numéro du Zone Campus. Voilà. Tantôt. Je sais pas si tu vas faire comme en fait si on va faire comme d'habitude et puis dire son nom 50 fois dans l'émission avant qu'il arrive. Il me l'a exigé tantôt, il m'a dit oublie pas de dire mon nom 12 fois dans l'émission là. Ah ok, on va essayer de battre des records aujourd'hui. Ah d'accord. Ce sera pas dur à faire hein, parce qu'on se bat de semaine en semaine sans y penser. Mais bon, on s'en va avec un autre petit bloc francophone. Des palmarès franco même, je dirais. Ouais. Tu dirais ça toi? Je pense que oui. On va écouter la pièce C'est l'histoire d'une meuf du groupe Les Fatales Picards à Assemblage Requis. C'est quand même pas normal

Darling the Maze et Girl Soldiers à Assemblage Requis. Hein? Qui want Girl Soldiers? Oui, exactement, c'est ce qu'on vient d'entendre. Tout Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h ici sur les ondes de C'est Fou. Plus tard, on va recevoir Sébastien Dulude avec sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. On va voir si j'y suis. On va aussi recevoir Philippe Antaya pour parler du journal Zone Campus. C'est le plan pour plus tard à l'émission. Mais là, on commence l'émission, tu sais, en musique. Ça, du palmarès, des fois pas. Du francophone, des fois de l'anglophone. Des fois gauche, des fois droite, des fois dans, des fois noir, des fois blanc. Très belle description. Des fois grand, des fois gros. Attends. Non, grand ou petit. Parce que grand, gros, c'est pas le contrat, là. C'est pas l'un ou l'autre, ça. Non, mais vas-y, continue. Tu veux aller dans cette branche-là? Non. Bon. Des fois branche, des fois racine. Des fois c'est des fois terre. Des fois je prends terre. Des fois bon, des fois mauvais. Oui, ça s'applique bien, là. On va retourner à la musique tout de suite avec... C'est comme sur un mur, tu mets de l'appliqué, c'est une petite étoile. Tu mets de l'après. Après ça, tu mets de la peinture. C'est ça. Exactement. Du vernis. Ça, c'est plus sur un plancher, ça. Tu fais souvent dans les conseils décoration, Mathieu. Je te soupçonne de vouloir... Je pense que tu prépares bientôt une émission déco avec Mathieu sur les ondes de C'est Fou. Ah! C'est ça, hein? Ben oui. Je mets assez d'émissions pour Mathieu Plante. Ouais, ça va être un mélange de bricolage et de conseils déco. Hey, je faisais bricolons avec Mathieu dans le temps à CNX. Ah oui? Chronique bricolage de jeux vidéo ou de trucs geek. Là. C'était bricolons avec Mathieu, bricolons avec Mathieu. C'est bon ça, ça pourrait revenir. Ben oui. Ou pas. C'est ça, on verra. Ou jamais. Hey, on va retourner en musique avec une pièce qui n'est pas dans le palmarès francophone. C'est Écorniflé Caillé. De la descente du coude, qui prépare un nouvel album, on sait pas trop quand, et ça vient plutôt de leur précédent, qui s'appelait Coup de foudre. Écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Un coup, des fois c'est deux coups, des fois c'est trois coups. Je suis ressemble à la queue de janvier à décembre. Jusqu'en décembre, elle suit et se ressemble. Les jours survivent et se rassemblent à la queue de janvier à décembre. Jusqu'en décembre. Toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On est ensemble jusqu'à 17h. Kiwan, Mathieu, hein, comme l'annonceur l'a dit. L'annonceur a une belle voix. Hein. Très belle voix. Vraiment. Donc, ouais. Kiwan et Mathieu, c'est nous. Oui, juste avant la pause, ça fait quand même longtemps. Là, si, je sais pas si vous vous rappelez de la pièce qu'on a entendue juste avant Archigéant. C'était la pièce One Life de Speed Massacre. Ça fait longtemps, on a comme pas reparlé là, après l'avoir joué. C'est vrai, on parle jamais. Rappelle-nous, c'est quoi Speed Massacre? Oui, Speed Massacre, c'est en fait un nouveau projet musical dont fait entre autres partie Guillaume Beauregard, le chanteur des Vulgaires Machins. Ah. Donc c'est pas spécifiquement son groupe, c'est pas lui le leader en fait, je crois pas, c'est pas lui qui chante, c'est pas sa voix que vous avez entendu, mais quand même le guitariste de cette formation là. Ils vont faire leur tout premier spectacle à vie le 11 décembre prochain à Montréal, c'est à l'Escogriffe. Et c'est ça, donc un nouveau projet, on va suivre ça attentivement. Oui. Il y a un album de 6 pièces, un petit album qui s'appelle We Hold the Vikings by the Horns. Et c'est disponible sur les internets, ça, déjà. Vous pouvez aller faire un tour pour entendre 4 des pièces de l'album sur le myspace.com/speedmassacre. Avec un nom comme Speed Massacre, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus métal que ça, honnêtement. Formation dead metal. Ouais, non, vraiment. Non, comme ça. Non, quand même pas, mais c'est ça, quand même, des influences de vieux punk, je trouve, là-dedans. Puis ouais. ça reste un peu fidèle à ce que les Vulgaires faisaient, mais un petit peu plus rock, un petit peu... ouais, je sais pas, dur à décrire. Oui, t'as raison, mais c'est bon. T'as c'est raison. Tout ce qui compte. T'as raison, tu dis n'importe quoi, mais t'as raison. C'est ça, comme toujours. Et voilà. Plus tard dans l'émission, comme si on l'avait pas dit encore plusieurs fois, Philippe Antaya, moi je l'appelle Philippe Antaya, comme une prise de ninja. Donc c'est le rédacteur en chef du journal Zone Campus qui va être avec nous pour nous parler du numéro en cours. Et on va aussi recevoir Sébastien Dulude et sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. Va voir ailleurs si j'y suis, tout ça, plus de la bonne musique, la présence de Kiwan et de Mathieu. C'est incroyable. C'est comme un massacre rapide. Speed Massacre, tu comprends le lien que j'essayais de faire, mais qui n'a pas réussi vraiment. Incroyable. Incroyable. On va retourner en musique. Mathieu, oui. on va aller écouter Xavier Caffine avec la pièce Les bons et les méchants, mais juste avant ça, on écoute le groupe Pudding Attack avec la pièce Model. Ça me fait jouer du pudding? Non, ben, ouais. Fin, tu me connais donc bien, toi. Mais je t'en ai pas fait du pudding, par contre. Là. Non. Est-ce que tu vas faire jouer un groupe qui s'appellerait Crème glacée aussi? Parce que ça fit très bien. On va en trouver un, je trouve que ça existe. S'il te plaît. On va en trouver un. D'accord. Vous êtes à l'assemblage requis. Au 89.1 FM. C'est fou. You maybe you someday, babe. It'll be okay, babe, for me to love you and you to walk away. And please don't stand alone, babe. I don't want a home, babe. Please don't stand alone or walk away. Politicians hide themselves. this world stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, petit bloc thématique à Assemblage de qui. On a commencé par la formation Pudding Attack et la pièce Model. Ça m'a fait penser à dessert. C'est Pudding Attack. Je me suis dit, bon, bloc dessert, qu'est-ce qui pourrait bien entrer dans un bloc dessert? Bon, on a fait jouer Cake avec War Pigs. Je pense que c'était évident, Cake. pas mal le premier qui est venu en tête à tout le monde. Hein? Uh-huh. Et on vient d'entendre Artist of the Year avec Cake for You, que j'étais sur le palmarès de C'est fou. Cake for You, du gâteau pour toi aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un bloc que t'aimes beaucoup parce que non seulement ça parle de dessert, mais en plus, il y avait du Artist of the Year, ton groupe préféré de tous les temps après Flight of the Conchords. C'est exactement ça. Ah, tu me connais. C'est un extase culinaire, je pense, qu'on vient d'avoir là. Hein? Et musical. Ricardo battrait jamais ça, ce bloc-là. Non, pas de musique, lui, dans son émission, hein? Non, ben, il y a une petite musique thème, je pense. Petite musique thème, là, cheapo, là, qui étonne un peu. Mais c'est tout. Je sais pas, j'écoute pas souvent. Moi non plus. Ricardo! Il y a une petite chanson, je pense. Non, mais ça a l'air que pour les fans d'émissions culinaires, c'est une bonne émission. C'est une bonne référence en termes de cuisine. Ben, paraît que oui, mais j'ai jamais écouté. Il a fait le tour de plein d'émissions avant ça. Hein. Je pense qu'il était avec l'émission Claudine Desrochers, là, puis il a fait d'autres affaires avant. Donc, c'est quand même, il est là depuis, il est établi. Ce Ricardo-là. C'est lui qui l'a parti, Claudine. Je sais pas. Je sais pas avant. C'était pas Claudine, c'était une autre, mais en tout cas, c'est une émission, là, une émission de cuisine. Là. Bref, petit bloc thématique. On se refera ça une fois de temps en temps avec un petit mot comme ça, un mot-clé. Là. Je trouve que c'est intéressant. Comme ça. Oui. Oui. Hey, vous savez, C'est fou et partenaire du Noël du Pauvre cette année. C'est vrai. Tout comme Desjardins, Stratos Pizzeria, les pharmacies Jean Coutu, Sears et Radio-Canada Mauricie. Ce sont tous les partenaires du Noël du Pauvre. Et tout ça, dans le fond, c'est pour le Téléthon qui va avoir lieu le 4 décembre prochain. Le Téléthon du Noël du Pauvre, c'est le 51e. Ça va être diffusé sur les ondes de Radio-Canada Mauricie le 4 décembre. Et c'est fait en direct de la salle Jean Antonio Thompson. Vous pouvez aller porter vos dons le 4 décembre là-bas directement. Au Téléthon, où vous pouvez aussi envoyer ça au casier postal 141 Trois-Rivières G9A 5E 3 et 92 sous par tranche de 1$ sont remis directement aux organismes qui aident les gens dans le besoin dans chacune des régions concernées. Moi, je trouve que c'est beaucoup. 92 sous sur 1$, je dirais que c'est comme 92%. Je dirais même que c'est 9,2 dixièmes. Ouais. Ça prend vraiment des partenaires parce que ce petit 8%-là couvre pas les frais de l'organisation là, d'un Téléthon en tant que tel, l'organisation de Téléthon télévisé puis tout ce que ça engendre. Là, ça prend vraiment des partenaires, donc merci à eux. Oui, on les remercie d'exister, en fait, et on nous remercie d'exister, comme par le fait même, pour être associés avec eux. Oui, on est très contents d'exister. Absolument, on est très contents d'encourager le 51e Téléthon du Noël du Pauvre ici à C'est fou. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, hein, Kiwan? Oui, on va retourner en musique. Je l'avais annoncé tantôt, Xavier Caffeine, mais là, finalement, on a bifurqué un peu avec notre thème thématique dessert. Moi, si tu me parles de pudding, moi, tu me fais divaguer. Là. Donc, on a un petit peu, on s'est éloigné de Xavier Caffeine, mais on l'écoute tout de suite avec les bons et les méchants à Assemblage Requis. Mais tu sais que de la caféine, il peut y avoir ça dans de la crème glacée aussi. Ah oui, la crème glacée à café. Ça existe, hein? Je sais, mais j'en ai mangé hier. Hier. Et ce soir, sûrement. Et demain, probablement. On écoute Xavier Caffeine tout de suite à Assemblage Requis. Le pot durera pas longtemps. Nous en Philippe Antaya. Oui, on s'en reprend un peu parce que tu l'as pas dit assez aujourd'hui, puis il s'en vient, c'est dans quelques minutes en à fait. À peine! J'avais dit que je le dirais un minimum de 12 fois, je crois qu'avec les 5 que j'ai fait là, ça vient de monter mon compte. Ouais. Encore Philippe Antaya! Bon, t'as atteint ton quota de 12 Philippe Antaya à l'heure. Ouf! Donc il va être là en vrai, en personne, tantôt dans quelques minutes. Pour nous parler du nouveau numéro du Journal Zone Campus qui est en kiosque maintenant. On va aussi recevoir Sébastien Dulude et sa chronique sur les sorties culturelles alternatives dans la deuxième heure. Restez là, c'est dans quelques minutes. À ton âge requis. Hey! Bonjour, vous à la maison, dans la voiture où vous soyez. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour, en pièces détachées. C'est une émission en plusieurs morceaux indépendants, mais qui viennent s'imbriquer tel un casse-tête pour créer ce monde merveilleux. On appelle Assemblage Requis. Et oui, comme ça, sans aucun enrobage musical, Mathieu. Du tout, ça fait très, très acoustique. T'as de la misère à y croire. Hein? Je me prends comme. Je leur dirais Melissa Etheridge ou Kelly Lynch. Qui fait ça? T'as vraiment beaucoup de misère à y croire, je sais. Ah, ben moi, je ne crois rien tant que je ne le vois pas, Kiwan! Un peu comme Philippe Antaya, j'y croyais pas. Je n'étais pas sûr qu'il existait vraiment. Et là, je l'ai regardé. Est-ce que tu as une intro pour Philippe Antaya, toi? Ben, certainement que j'ai ça. Ah, ben, calme-moi donc. Attention, Zone Campus! Zone Campus! Zone Campus, ah. Offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Tu vois, aussitôt que je dis Zone Campus, c'est vraiment c'est magique. Mais la dis pas trop, parce que... Ah non, c'est vrai, si je répète le mot Zone Campus, ça va rejouer. Non, Zone Campus, non, gratuitement non, à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Inacceptable. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Moi, je le prends pas. Je joue pas à ce jeu-là, Mathieu, là. Ouais, d'accord. Donc, on reçoit Philippe Antaya, le merveilleux et grand. Hein, Philippe Antaya. Du Journal Zone Campus, c'est lui le rédacteur en chef de ce journal qui sort. De ce journal. Ce journal. Tu crois qu'avec la réforme du français, ça pourrait devenir un journal, hein? Peut-être. Un chevaux. Donc, le numéro en cours qui est sorti récemment le 16 novembre et va durer jusqu'au 29 novembre, c'est le volume 5, numéro 6. Salut, Philippe. Bonjour, messieurs. Salut. Alors, cette semaine, je vais être très sérieux. Ah oui, tu vas être très sérieux, toi? Oui. Je le crois pas, ça non plus, toi. Ah! Hey, oh, la main sur la table, toi, qui fesse de même. On l'entend? On entend-tu? Je pense que oui. Ça va faire, si je tape le micro. As-tu entendu le système d'alarme qui vient de partir? Non, j'ai pas entendu ça. Il sonne comme à tous les 15 minutes de ces temps-ci, donc je le remarque plus vraiment. Alors, dans le Zone Campus... Hey, c'était pertinent, ça. Oui, Zone Campus. Qu'est-ce que le Zone Campus? Alors, en page couverture, on parle de la deuxième Coupe universitaire de natation qui s'est déroulée la fin de semaine dernière dans la piscine du CAPS. À l'intérieur de la piscine du CAPS, tout le monde était à l'intérieur de la piscine du CAPS, même les spectateurs. Oui, ben, ça a fini un bain de minuit, tout, tu comprends? Comme, ben, comme dans lors de toutes les Coupes universitaires. Oui. Non, mais il y avait ça le comble lors de cette tranche de la Coupe universitaire. Alors, c'est ce qui fait la page couverture cette semaine. Incroyable. On va revenir au sport plus tard dans le journal. Ouais. Hein? Commençons par l'actualité qui est en page 2, qui débute comme toujours juste à côté du générique. Oui, ben pas la fin de semaine dernière, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Il y a deux fins de semaine aussi. C'était les journées portes ouvertes qui avaient lieu encore là au CAPS de l'UQTR, où les personnes représentantes de tous les départements, il y avait des étudiants qui étaient là pour animer, pour montrer ce qu'était l'université, pour que les personnes, les nouveaux arrivants, fassent leur choix. Les nouveaux étudiants, pas les nouveaux arrivants. Alors, c'était ça, c'est un franc succès. Il y a près de 1000 personnes qui sont venues. Lorsqu'on parle de 1000 personnes, c'est pas 1000 nouveaux étudiants, mais bon, avec la famille, les parents, puis tout ça, etc. Les amis, oui. Ouais. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont des choix à faire. C'est ça. Ouais, donc ça a été un franc succès. Il y a aussi l'inauguration du nouveau pavillon de la santé qui a eu lieu dernièrement. Enfin, hein, parce que tout le monde en parlait depuis tellement longtemps de ce pavillon-là. Et là, il est inauguré. Oui, dans ce pavillon-là, il y a 5 départements qui se retrouvent là. Ergothérapie, pratique, sage-femme, médecine, etc., etc. Le département des départements est là pour gérer les départements. Il semble-t-il qu'il faut un sarrau pour y entrer. Ah, pour vrai? Est-ce qu'il faut enlever ses souliers et puis mettre du purée partout? Non, mais on peut mettre des pantoufles en papier. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Les petites pantoufles bleues avec un petit élastique, là. C'était le fun. Ça te rappelle des souvenirs? Ben ouais. Tu portais ça chez vous? Ben ouais, ben ouais. Pour le fun? Ben ouais. OK. Sans ça, là, ma vie ne serait pas complète. OK. Prochain sujet, s'il te plaît. Oui, ben, si on peut parler de succès pour les deux premiers articles, mais en tout cas, les sujets des premiers articles, les journées du savoir qui ont vraiment pas été un succès. Ah ouais. Les personnes qui tenaient les kiosques, pour la majorité, n'étaient pas satisfaites parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont allées. Ça a été publicisé. L'université se défend d'avoir publicisé l'événement, mais malgré tout, il n'y a pas eu beaucoup d'achalandage. Alors, ça n'a pas été vraiment un franc succès. Mais on parle quand même de ces journées-là du savoir, puisque c'est important. On est à l'université, un lieu de savoir. Mm-hmm. Alors, les journées ont lieu. Est-ce que ça va avoir lieu sur l'année prochaine? Si ça a été un échec cette année, est-ce que tu sais ça? Tu sais pas encore. Non, on sait pas, mais c'était pas les premières journées. Alors, je présume que ça va revenir les années prochaines. Peut-être qu'on fera un après-midi du savoir à la place. Ah, peut-être. Ou un 5 à 7 du savoir. Ah oui, oui. Référendum d'affiliation à la FEUC, l'histoire continue sans cesse et n'arrêtera jamais, je crois, cette histoire-là de l'affiliation à la FEUC. Hein. Ben, le référendum qui va avoir lieu au début décembre, mais là, dans la dernière apparition, on parlait qu'il y avait un comité référendaire qui avait été créé, puis ce comité référendaire-là devait créer deux comités partisans. Jusqu'à nouvel ordre, il y a seulement un comité, le comité du non, qui est en défaveur d'une affiliation à la FEUC. Celui-là a été créé. Okay. Malheureusement, avec les délais pour les dates de tombée, le montage, l'envoi à l'impression, on a pu avoir les commentaires des personnes responsables du comité du non dans le prochain numéro. On va y revenir. Vraiment... Oui, puis en espérant que le comité du oui va être formé d'ici là. Espérons-le. On sait, en tout cas, on sait. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Mais un de nos bons amis, chroniqueur Simon Fitzbé, de la chronique pour les dead du mardi, est dans le comité du non. Il est représentant avec Ludovic Nadeau. Oui, si vous voulez un autographe, quelque chose, je crois qu'il est disponible. Oui, il va signer votre barbe. Bon. Toujours dans la section actualité de ce journal Zone Campus du 16 au 29 novembre, tu signes un article, un éditorial, appelons-le par son nom, un éditorial sur le plagiat. Intéressant, ça. Oui, bien, ça fait suite à l'article qui est juste sur la même page à côté. Quel hasard! Parce qu'il y a eu une conférence sur les nouvelles formes de plagiat. On sait qu'il y a plusieurs étudiants qui vont faire des copier-coller directement dans l'Internet. C'est assez malhonnête, ça? Hein? Oui. Oui, alors il y a une conférence là-dessus de la part de la Crépuc, mais moi je m'inspire de ça pour dire que le plagiat, sous toutes ses formes, ça doit s'arrêter. Oui. Puisque ça va avoir des conséquences négatives sur l'ensemble de la société. Alors je signe un texte à ce sujet-là. Et que t'es intelligent, toi! Ah, ça même paraît pas, ça paraît pas. C'est vraiment très intelligent. Et je dirais que de nos jours, la technologie fait en sorte que c'est facile ou en tout cas pas trop difficile de trouver la source de votre plagiat. Donc, vous allez vous faire prendre un jour ou l'autre. Donc, essayez même pas ça. Ben, ce que je dirais là, ça va se contredit mon article. Mais si vous êtes pour copier, faites-le intelligemment. Ah, non, dis pas non. Non, oui, la forme la plus intelligente. Top. Mettez donc des guillemets puis une note de bas de page. Ça, j'aime ça, par exemple. Ça, c'est vrai. Citez vos sources, bâtisse. Quoi? Et voilà. C'est, et bateau. C'est sûr que c'est louche si les guillemets sont au début complètement du travail à la fin. Le titre est en guillemets. Avec déjà, rien ça. D'autre. Ça, c'est un petit peu louche. Mm. Bref. Plagiat, c'est mal. Voilà. Mal. Ensuite, toujours dans la section actualité, on continue. Oui, ben, je peux parler des étudiants en administration qui se préparent pour les Jeux du commerce qui vont avoir lieu en janvier. Mais là, pour l'instant, ici à l'UQTR, les étudiants font les mini-jeux du commerce, une forme de préparation pour une des plus grosses activités qui a lieu au Canada au niveau des étudiants, les Jeux du commerce. Alors ça va avoir lieu prochainement. Et c'est, si je ne me trompe pas, la 20e édition, parce que ça a commencé en 1989. Oui, oui. Donc, oui. C'est beaucoup, donc c'est ça gros. Dure. Oui, puis ça grossit d'année en année. Je crois toutes les universités québécoises puis deux universités ontariennes qui participent à ces jeux-là. Mmh. Donc, c'est quand même assez gros. Je vois l'université de Moncton. Aussi, dans la section actualité, c'est pas un gros texte, mais bon, la campagne de panier de Noël de la GEUQTR, du service aux étudiants qui va commencer, qui va débuter, qui est débuté même à partir depuis le 16 novembre. On invite les étudiants à amasser des denrées non périssables pour donner une première cette année, pour redonner aux étudiants de l'UQTR dans le besoin. Semble-t-il qu'il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à se nourrir. Alors, par le passé, c'était donné à Moisson-Mauricie, mais là, cette année, ça va être redistribué aux étudiants de l'UQTR. Alors, n'hésitez pas à donner généreusement. Très bonne idée. L'UQTR et la CCITR renouvellent leur entente, Philippe. CCITR étant la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières, un pacte qui était déjà en place entre les deux instances, mais là, on l'a renouvelé. On fait des formules comme des déjeuners ou des activités pas caritatives, mais bon, pour... faire la promotion du savoir, c'est une nouvelle forme pour pallier, par exemple, la perte d'emploi dans les industries. À l'UQTR, on valorise le savoir. Alors, comme ça, c'est une porte ouverte pour les prochains étudiants finissants qui auront terminé. Les prochains diplômés, bref. Les prochains diplômés, bon, c'est dit. Ils ramènent les écrans de diffusion sur le campus. On dirait que c'est une idée qui revient souvent. Il y en avait déjà eu dans les années passées, des écrans de diffusion comme oui, ça. Ça n'avait pas été un grand succès, non, mais là, des nouveaux écrans. Nouveaux qui... gens pour s'occuper de mettre les informations à jour dessus, peut-être. C'est en partenariat entre l'Entête, si je ne me trompe pas, et puis la GEUQTR. Alors, les étudiants, les associations vont pouvoir diffuser des messages qui va pouvoir rejoindre tous les étudiants. Souhaitons que cette fois-ci, ça dure. En tout cas, je trouve que les télés sont plus belles que l'année passée, donc je suis déjà bien content, moi, les télés. Est-ce qu'on sait pourquoi ça avait été abandonné avant ou non? Aucune idée. Semble-t-il que les écrans n'étaient pas de bonne qualité. Ça change vraiment quelque chose, la qualité des écrans, pour ça, non, mais sans blague. Mm-hmm. La qualité, c'est un peu une excuse. En tout cas, bref. On parlera pas de ça trop longtemps, là, mais il me semble que la qualité de l'image, c'est pas ce qu'il y a de plus important là-bas. Ça fait plus la job au moins qu'une affiche papier. Dans la section opinion, un texte sur Facebook de la part de Marie-Noëlle Marino, un outil d'aide aux études, demande-t-elle. Moi, ça m'intrigue, j'ai hâte de lire ça. C'est ça. Et Facebook. Bon. Facebook. Alors vas-y, lis-le. Facebook, si je peux me permettre. Vas-y, permets-toi. J'ai dû abattre ma vache sur Facebook la semaine dernière. Abattre ta vache? Oui, mon poulet. Pas de tablon comme ça, non? Mon poulet ne va pas très très bien. Alors tu sais, Facebook. Ah, Farmville, hein, le jeu. Oui! Ah, regarde-moi ça, il joue à Farmville. Le gars, il était contre Facebook jusqu'à, je pense, là, 2 semaines, ça. 3 semaines? Du sarcasme. Et puis, un autre texte d'opinion au pouvoir citoyen avec Jean-François Veilleux sur la chrétienté et le culte identitaire. Et alors, ça aussi, je vais lire ça parce que moi, tu sais ce que je pense de la religion, hein, Kiva? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas à ça. Question Vox Pop, Philippe. Oui, ben, j'ai demandé aux étudiants ce qu'ils pensaient de la possible désaffiliation de la GEUQTR à la FEUQ. Les gens sont partagés. Ah oui! Oui, il y en a qui sont vraiment des fervents défenseurs de... La feu. Alors que d'autres, absolument pas. Il y en a d'autres qui jugent qu'on n'est pas très informés. Opinion que je partage. OK. Donc, on a demandé à 5 personnes et la réponse est dans le journal Zone Campus. Oui. Kiwan? Oui. Philippe? Mm-hmm. Toujours à Assemblage Requis, toujours dans le blog du Zone Campus. Zone Campus, c'est la pub? Ben, moi, je dirais que ce serait comme le moment de prendre une minuscule pause, Kiwan. Qu'est-ce que tu en penses, oui. Toi? Est-ce que ça te tente de faire ben, on peut faire pause? Ça. Je pense que c'est une pas pire idée. On viendra avec la section art et spectacle et les sports tout à l'heure. Et restez avec nous parce qu'après Philippe Portaya, il va y avoir les visites de Sébastien Duluth qui va venir nous parler de sorties culturelles alternatives dans sa chronique. Va voir ailleurs si j'y suis. C'est un assemblage requis. Donc, on va aller écouter la pièce « En millions d'atomes » de Vanessa Parietar et on revient tout de suite avec la suite du Zone Campus. Et moi, il me fait plaisir en plus. Merci. En millions d'atomes, Vanessa Parietar. C'est un plaisir à lui aussi. Là. C'est pas un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour lui aussi. Vanessa Pariétaire ayant millions d'atomes à son lingerie. Oui, et on continue la tournée du journal Zone Campus en compagnie de Philippe Antaya. On tourne les pages, on salit les doigts avec Philippe Antaya. Hein? Pas ton slogan, non? Non, j'aime pas ça. Ben, bon, je parlais du journal. Là, on salit les doigts avec Philippe Antaya. Ouais. J'avoue que c'est moyen comme slogan, là. C'est moyen, hein. Je le referai pas. Ou encore, je le referai à chaque semaine. Donc, section Arrêt Spectacle. On commence avec une nouvelle exposition à Trois-Rivières. Je vois la vie. Oui, une exposition qui a lieu jusqu'au 22 novembre au centre d'exposition Raymond Lagnier. Bon. Alors, c'est ça, je vois la vie en rose, des peintures, de la sculpture. Il y a plusieurs œuvres d'art qui sont là-bas. Très belle exposition. Il y a une belle photo. Oui, ça s'appelle Rose Miel comme couleur. Sébastien Dulude en avait déjà parlé dans une de ses chroniques précédentes. Oui, belle exposition. Ouais. Et c'est ça. Il y a aussi le spectacle de We Are Wolves qui a eu lieu au Nord-Ouest Café. Oui, Kiwan y était, entre autres. Oui, très bon spectacle. J'ai pas pu rester jusqu'à la fin, malheureusement, mais ouais, c'est vraiment un bon spectacle. Avec Parler et Around Joshua. Alors, c'est ça. Il y a un petit article là-dessus, à ce sujet-là. Un autre texte de Daphné Charret. Je sais pas si vous avez vu, en avant de l'université, ouais, les cubes qui ont été emballés. Alors, c'est le projet de deux étudiantes en art, Christelle Pearson et Sylvie Simard, qui ont fait un projet de la sorte qui a pris 16 heures à emballer ces cubes-là. Incroyable. Ils ont vraiment emballé les cubes, mais on voit quand même la forme des cubes. Là. C'est quand même super beau. Et c'était pour faire protestation par rapport à la censure qu'il y avait eu, dont on avait parlé avec toi à un moment donné. Là. Hein? Oui, en quelque sorte. Mais c'était pas que pour ça. Non. C'était aussi pour faire une œuvre d'art. Ben oui. Mais il y a plein d'excuses. Des fois, pour faire de l'art, il faut une petite raison. Puis, mais c'était une belle façon. Je tiens à le souligner. Alors, c'est ça. Il y a aussi une exposition, comme on peut le voir à la Chasse-Galerie. Il y a eu le vernissage de Valérie Laflamme, une étudiante en art aussi, qui affiche ses œuvres. Ensuite, les œuvres vont être à l'atelier, la galerie 3R, si je ne me trompe pas. Alors, ce sont des corps nus, mais on ne voit pas de parties intimes. Non, on voit des abdominaux, par exemple. Oui, mais très belle peinture. Franchement, très belle peinture. Oui, c'est très réussi. Ensuite, toujours en art spectacle. Oui, trois nouveaux albums québécois, d'artistes québécois qui sont chez les disquaires. Alors, Mélissa Beaupré nous en parle. On parle du nouvel album de Daniel Bélanger, de Dumas et puis de Patrick Watson. Mm-hmm. Et j'ai vu qu'ailleurs, il y avait aussi une critique du CD de The Hidden Cameras. Exactement. Alors, critique CD cette semaine. Mm-hmm, on a beaucoup, on a pour tous les goûts. Apocalypse Nightclub était au Gambrinus récemment. Oui, mardi avant-dernier. Alors, c'est ça. Et puis, Apocalypse Nightclub qui va être de passage à la Chasse-Galerie prochainement. Je pense que c'est la fin du mois de novembre. Alors, groupe Trifluvien en émergence qui va être de passage à la Chasse-Galerie. Il y a aussi, dans le hall Gilles Boulet du pavillon Ringuet, un vernissage haut en couleur de la part d'étudiants en enseignement dans le cadre de leur cours Inclusion scolaire en classe ordinaire des élèves ayant des besoins spéciaux. Alors, en collaboration avec les adultes du plateau, des personnes avec déficience intellectuelle qui travaillent ici à l'université, peut-être que des personnes les ont vues. Alors, ils travaillent ici à l'université, ils ont fait une fresque pour eux, puis ils leur ont offert. Ah. Alors, les deux ensemble ont travaillé, puis c'était une belle collaboration. Oui, c'est un beau projet. Ils faisaient un vernissage mercredi dernier. Donc ça, c'est les arts et spectacles. Oui. Il nous reste la section sport. Kiwan, t'aimes les sports? T'as dit ça? Ben oui, moi j'aime ça. Plus que moi. C'est ça, c'est juste un brin de sarcasme dans ta voix, mais c'est... Non, c'est que je te voyais lire un petit peu la section des sports, ça a l'air de t'intéresser. Ben oui, quand même. Ouais, parle-en avec Céline. C'est toi qui es anti-sport. Vraiment, je veux même pas en entendre parler, ça. Bon, ben regarde, va prendre une marche, là. Tu reviendras tantôt. Bon. Les sports. Bon, on parle pas des sports. Bon. Parlez-en. Ben, malheureusement, les deux équipes de soccer, masculine et féminine, qui sont éliminées, ne feront pas les séries, mais il y a une membre de l'équipe de soccer féminine des Patriotes qui est dans les étoiles, et vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une étoile, elle est sur la deuxième équipe d'étoiles du circuit. Hey, sur les étoiles, parce que c'est une étoile dans les étoiles. Le titre est Rosalie dans les étoiles. Alors, pour la deuxième année consécutive, il y a une joueuse des Patriotes qui est nommée sur une équipe d'étoiles. Elle s'est déguisée en étoile en plus. Mm-hmm. Mais semble-t-il que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait les séries, parce qu'en étoile, ça va mal jouer au sac. Attends. Non? La musique de l'étoile dans Mario, allez. Mais oui. Ça, c'est pas la musique de l'étoile, c'est la musique dans le monde normal. Bon, est-ce qu'on peut revenir au sport? Ben, oui, ben comme on le disait d'entrée de jeu. Sport! Alors, oui, il y a eu le championnat, la deuxième coupe universitaire de natation qui a lieu au CAPS. Alors, il y a les joueurs des Patriotes, les nageurs des Patriotes qui ont bien performé. Un nageur dont Sean Campbell qui va peut-être participer au championnat provincial avec ses performances. Alors, c'est à suivre. Dans les prochains numéros de Zone Campus, on va pouvoir en parler. Il y a aussi les deux Patriotes de la semaine, deux joueurs de hockey, Francis Charland et Jean-Sébastien Breton, qui sont les Patriotes de la semaine. Puis en terminant, on peut mentionner l'équipe de hockey, qui va très bien, toujours invaincue, malgré le fait qu'elle a perdu cette fin de semaine. Mais bon, ça se retrouve pas dans le journal. Donc en date du journal, tout allait très très bien. Ben oui! Alors c'est ça, puis les joueurs ont signé, ils ont 9 victoires, aucune défaite. Et puis aussi, fait marquant, c'est que l'équipe des Patriotes a joué contre l'équipe nationale junior de la Suède. La Suède qui se prépare pour les championnats mondiaux juniors qui vont avoir lieu durant le temps des fêtes. Mais eux, les ont affrontés. Puis alors qu'on pensait que ça allait être une domination complète de la Suède, ben, ça s'est terminé 5-4 pour les Suédois en tir de barrage. Donc quoi? Les Patriotes ont quand même bien fait. Ils ont même eu les devants, je pense, à certains moments pendant la partie. Oui, 4-1 malheureusement en troisième période. Ça s'est gâché. Le gardien Jean-Christophe Blanchard et non Chabot comme c'est inscrit dans le journal. Ah. Oh! L'équipe junior de Suède qui a fait la tournée des autres universités. Oui, qui a joué contre Concordia, Carleton... qui ont vraiment humilié les autres équipes universitaires du Québec. Je pense que l'UQTR a vraiment très bien paru comparé aux autres équipes. L'UQTR qui est première de la conférence de l'Est de la division ontarienne, ce qui n'est pas rien. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans la section sports. Ben, ça a l'air très beau, ça, comme section bien remplie de plein de sujets et de sports divers. Belles photos. Ben oui, ça qu'on aime dans la section sports, c'est de regarder les photos. Donc, le Zone Campus, c'est en kiosque entre le 16 et le 29 novembre 2009. C'est volume 5, numéro 6. Allez vous le procurer. En couverture, on trouve encore une fois la piscine du CAPS qui était comble. On fait la salle autour, là. Donc, trouvez le Zone Campus en cherchant des gens autour d'une piscine. Oui, et puis vous pouvez également le consulter au zonecampus.ca. Très écologique. Tu es en train de dire aux gens de ne pas prendre la version papier? Faudrait pas que tu leur dises ça, peut-être. Faudrait pas que je leur dise ça. Prenez une copie papier et lisez-la sur Internet. Et comme voilà. Ça va y plaire des journaux. Et voilà. Philippe Antaya, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Donc on se retrouve, ça c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. De retour le jeudi la semaine, dans deux semaines j'imagine par contre. Dans deux semaines je crois que je vais me déguiser en Père Noël. Ben pourquoi pas. Ben oui, pas game. C'est un petit peu de bonheur, mais... Oh oui, je suis game. Bon. Vous viendrez voir ça sur la webcam. Non. C'est fou.ca. Ben oui, c'est ça. Hey, lance pas des défis à Philippe par exemple. Non? Non. Parce qu'il va nous arriver. Ben on verra ça dans deux semaines. C'est ça. Si Mathieu, tu fais la princesse et Kiwan le lutin, je suis en Père Noël. C'est un beau défi, non? Hein? Bon. Bon, finalement, on. On y repassera. Finalement, on n'aime pas ça, les Pères Noël. On est anti-Père Noël, en fait, fête religieuse. Bon, donc, Zone Campus en kiosque maintenant. Allez vous le procurer. Merci, Philippe Antaya, encore. Allez, merci. Vous aime, les gars. Nous aussi, on t'aime. Oh, bisous. Love. Dans quelques minutes, on va recevoir la visite de Sébastien Dulude. Oui, avec sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. Exactement. Pour l'instant, on va aller en musique avec Arctic Monkeys et la pièce Dangerous Animals. C'est extrait de leur nouvel album Humbug. C'est un assemblage requis jusqu'à 17h. Soon revert to you. I'm back. C'est fou, c'est fou comme un balai. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. C'est toujours Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et de Mathieu jusqu'à 17h. Comme ça, tu me dis au jeudi, on est toujours là. Lundi, mardi, le mercredi, même le jeudi. 4 jours semaine. C'est-tu détaillé? C'est assez détaillé. Bravo, c'est excellent. Merci. Tu l'as bien appris. Hey, t'es fin. Qu'est-ce qu'on fait, Kiwan? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu me suggères? Moi, je te suggérais d'aller entendre un remix de We Are Wolves par Biobazar. Tu sais que Biobazar, c'est Danny Janvier qui anime le dîner de con ici, assez fou. Et il fait de la musique dans ce projet-là, Biobazar, dans le Benzen. Il a travaillé avec Jésus Ben 400, un paquet d'artistes comme ça. Et puis, il y avait un concours organisé par bandapart.fm pour remixer la pièce vague de We Are Wolves. Et si vous voulez aller voter pour lui, tu as 10 parce que les noms sont pas écrits, c'est le numéro 1. Ouais, c'est faut ça. Les gens à la maison. Non, ouais, c'est ça. Faut, en principe, il faut les écouter tous. Et juger. Ça va vous prendre à peu près 2h30. À peu près. Ouais, c'est ça. Avec des pièces électroniques, c'est souvent très très long. Mais tu sais, c'est Danny Janvier, notre bon ami. C'est le remixeur numéro 1. C'est le 1. Et puis en même temps, j'en profite pour dire que Danny a fait un nouvel album qui s'appelle Futuristic Psychedelic Archives. Et ce, le lancement a lieu cette semaine. En fait, c'est demain soir à Montréal. C'est au bar Les Passages. Mm-hmm. Passages. Sur la rue Rachel Est à Montréal. Et donc, c'est ça, c'est un genre de 5 à 7, je crois, demain soir. C'est un rendez-vous vers 19h. Donc, c'est en soirée, demain soir, pour aller rencontrer Danny. Il va avoir aussi un VJ set live et vous allez pouvoir procurer l'album, puis jaser un peu avec Danny. Juste passer une belle soirée, finalement. Absolument. Très sympathique, Danny. Et petit indice aussi, il va être dans le prochain numéro du journal Voir. Donc, procurez-vous-le. Et il y aura plein d'informations sur Biobazar dedans. Parfait, donc on écoute son remix de la pièce de We Are Wolves tout de suite. Vague. Yeah. Vague de We Are Wolves, remixé par Bio Bazaar. Excellent. Vraiment très, très bon. Allez voter sur le site bordelapart.fm pour le concours Toi contre We Are Wolves. Exactement. Toi contre Nous Sommes Loups. Je trouve ça beau comme petit nom en français. Hein? Bon, donc vous êtes à Assemblage Requis. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On dit souvent Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, Kiwan. C'est le temps d'accueillir Sébastien Dulude avec sa chronique Va voir ailleurs si j'y suis. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. Mmh. On a une grosse chronique cette semaine. Oui, quatre sujets. Il y a peut-être même un cinquième. Ah, là, oui. J'ai peut-être pas tout dit ce que j'allais dire, mais tout va être dans la plus grande décence. N'inquiétez-vous pas. Mais oui, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, même un début de suivi d'affaires que j'ai déjà dit. Ah oui? Je fais des suivis. C'est comme un cliffhanger dans les téléromans, genre. La suite demain. Précédemment, dans la chronique Va voir ailleurs si j'y suis. Ouais, tu donnes toujours des exemples que je comprends pas, mais. Dans un téléroman Dallas, tu sais. Téléroman? La télévision, ah, c'est une boîte, ouais. Les images, des boutons, et tu peux même à distance, tu peux même changer de poste à distance. Alors, oui, non. Non, c'est ça, beaucoup de choses à faire, dont un suivi. On parlait beaucoup de prix littéraires, prix artistiques aussi, parce que ben, c'est beaucoup ça l'automne, entre autres, là, avec la rentrée. Il y a des années culturelles qui se terminent, donc on fait des bilans. Donc, il y aura ça, et on va parler également de spectacles. En termes de spectacles, il y en a deux dans les prochains jours à Trois-Rivières. Qui sont dignes de mention. D'abord, deuxième match de la saison d'impro musicale. Mm-hmm. Ça, c'est tous les troisièmes jeudis de chaque mois. L'arbitre Granger, concepteur des matchs, sera avec vous demain pour en parler. Donc, je vais le laisser faire son topo d'avant-match. J'aime bien ça l'entendre là-dessus, mais donc, savoir que c'est le troisième jeudi. Demain, donc à la Chasse-Galerie, à partir de 21h, mais plutôt 22h, là, parce qu'il y a du hockey, on essaie de concilier les amateurs de hockey aux amateurs de musique. Mais il n'y en a pas demain. Il n'y en a pas demain? Es-tu sérieux? Non. Excellent. Donc, on peut parler plutôt de 21h à ce moment-là pour le match d'impro musical. L'entrée est libre. Gros show. Deux nouvelles équipes. En fait, non. C'est des nouvelles équipes qui n'ont pas encore joué cette année. Ouais. Mais l'équipe championne de l'année passée qui revient, donc les Bleus, avec le capitaine Sébastien Salicetti et ses Cerbères. Et une nouvelle équipe des Blancs avec le capitaine Frédéric Durand, qui lui était joueur par excellence de l'année dernière dans une autre équipe, mais il a fondé sa nouvelle équipe cette année. Donc, qui est animateur assez fou aussi, on peut mentionner son émission. C'est vrai, Frédéric Durand anime le Voyage Insolite depuis nombre d'années, les lundis soirs à 19h. Oui, et même que je pourrais rapidement rappeler, tant qu'à être sur le sujet du Voyage Insolite, qui est maintenant en rediffusion aussi, ça se passe les vendredis matins à partir de 11h. Je te renseigne. C'est le bonheur pour un voyage insolite le vendredi matin. Mais là, un lendemain d'impro musical, pourquoi pas. Voilà. Alors ça, c'est ça se passe à la Chasse-Galerie demain 21h. Toujours l'information sur le MySpace / LIM3R, L-I-M-3-R pour Ligue d'improvisation musicale de Trois-Rivières. Autre spectacle, c'est à l'Appart, lieu émergent que j'aime bien mentionner, leurs initiatives. C'est le lieu où il se passe les kinos maintenant, les deuxièmes mardis de chaque mois. Et il y a un spectacle, ça va être le début d'une série mensuelle de spectacles intitulé « Feu de forêt dans le désert ». Pas facile à trouver sur Internet l'information là-dessus. On tape « Feu de forêt dans le désert », on va entendre parler de bien des choses avant un spectacle à l'Appart. mais donc, cette série est parrainée par les membres du groupe de Trois-Rivières, Louisville-Trois-Rivières, « The Post Through The ». Et un autre nom pas facile à chercher sur Internet. Et leur label, donc étiquette de disque, Aribin Silla. Envoyez-vous, chers auditeurs, tout ceci va être sur le site de cifou.ca avec le nom d'Assemblage Requis. Assemblagerequis.com, il est référencé sur cifou.ca. Et parce que ça, c'est plus difficile à chercher, mais c'est ça l'underground et c'est ça la beauté de la chose. Oui, il faut exprès des fois aussi. Hein? Il faut exprès, c'est tout à fait une esthétique. L'affiche aussi est pas facile à décoder, mais très, très belle. Alors, c'est tout fait à la main, un beau petit dessin. Et donc, cette série de Feu de forêt dans le désert, c'est en fait une initiative du groupe The Post Truder qui, à travers leur label et d'autres connaissances dans le réseau des musiques expérimentales ou du rock instrumental, on pourrait dire de recherche, des musiques libres de tout genre, de favoriser ces rencontres-là à Trois-Rivières avec d'autres groupes du même genre ou avec lesquels ils ont certaines affinités. Donc vendredi, on aura You, Yourself and I, qui est en fait le nouveau nom d'une formation qui s'appelait à l'époque Fruitfly. Ils faisaient un jazz très funky, très sale et très expérimental aussi d'une certaine façon. Ils avaient le don de rentrer dans leurs pièces et d'aller vraiment creusé de l'intérieur. C'est comme si les formats n'étaient pas dérangeants, mais à l'intérieur de tout ça, il se passait des choses assez weird. Donc, ils ont eu un certain nombre de changements de membres à l'intérieur du groupe. Donc, se sont renommés You, Yourself and I. Ils viennent de Montréal. Il y a également La Maladresse. Eux, ils viennent de Québec. Je les connais pas du tout. Ils ont leur MySpace. La Maladresse, c'est pas trop difficile. Moi, j'ai découvert ça. La Maladresse, c'est un groupe que j'ai découvert à cause de la série Les Feux de forêt dans le désert, qu'on en parlait. Puis, ouais, j'aime bien ça. C'est assez rock et un peu noisy en même temps. Ouais, j'aime ça. J'en ai fait jouer à la dernière porte à gauche et on va en réentendre ici aussi à l'émission. Peut-être pas aujourd'hui parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais oui, La Maladresse, on risque d'en réentendre ici. Est-ce à l'émission. Est-ce que c'est instrumental ou ça chante? Il y a des paroles. Il y a des paroles? Ça chante, ouais. Bon, je suis en train d'arracher les murs, tellement j'ai hâte. Donc ça se passe à l'appart à 20h30. Ils font rien comme personne, hein? Donc c'est pas à 8h, c'est pas à 9h. 8h30 à l'appart, contribution, c'est pas indiqué, une autre chose. Mais j'imagine qu'il faudra fonctionner par contribution volontaire dans ces cas-là, évidemment. Il faut au moins penser à défrayer les coûts de déplacement de ces groupes-là. Et c'est une série qui se voudra mensuelle à l'appart. Donc c'est la première édition, vendredi le 20 novembre à 20h30. L'appart, c'est au centre-ville, 45 Saint-Antoine. C'est à côté de l'atelier Presse-Papier ou au bout de la rue Saint-Antoine. Prenez le Bravo, continuez vers le fleuve, arrêtez-vous juste un peu avant. Et revenons au Bravo après, mon juge. Tout à fait. Pourquoi pas? Tout à fait. Et à l'appart, c'est vraiment formule bar. Là, on s'installe là tranquillement, amener des amis ou placoter là. C'est vraiment une belle ambiance. Ça se veut, là, vous allez commencer à avoir l'habitude en prenant justement cette habitude-là d'aller voir des spectacles-là. Ça sonne bien, un bon kit de son. La scène est grande. La vie au groupe émergent, c'est un excellent endroit pour se booker, un lancement, des choses comme ça. Ah. Ça pour l'instant, là, ça comble vraiment un manque en termes de salles de spectacle. Je pense que j'en parle à chaque semaine. Ensuite de ça, j'avais pensé parler de prix littéraire, comme j'annonçais, mais on va passer un petit bloc musical avec High Shop. Ils sont en nomination au gala Art Excellence. On en reparle tout de suite après leur version. C'est du Barbershop, ça, donc quatre garçons qui font des musiques entièrement a cappella. Voici une reprise d'un classique des Beach Boys. I Get Around, on écoute ça tout de suite à Assemblage Rock. Dans le bloc, va voir ailleurs si j'y suis. Down the same old strip, I gotta find a new place where the kids are hip. Bum isn't known, I get it real well known. Yeah, the bad guys will send to leave us alone. Get it around, get it around, get it around, get it around, get it around, get it around, get it around, get it around. We always stick my car, cause it's never been beat, and we never miss yet with the guy we meet. None of the guys go steady, cause it couldn't be right. Two of you best go home by the Saturday night. I get around. I get around. Round, round, get around. I get around, yeah. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around. I get around. Ça, c'est vraiment mon genre de musique, j'adore ça. C'est bon, hein? Vraiment très bon. Ah, ça, c'est High Shop. Ils sont en nomination. Donc, on a toute une série de prix. Là, je vais vous annoncer des trucs. J'ai également que j'avais des suivis à faire. Donc, Art Excellence, c'est une initiative de Culture Mauricie. Ils ont des enveloppes à gérer pour la région pour des bourses qui sont remises après. Donc, c'est pas des bourses pour faire des projets, ce sont des bourses de récompense pour différentes catégories dans différents domaines. Donc, ça sera mercredi plutôt, le 25 novembre prochain à 18h, que seront remis les bourses. Il y avait 64 dossiers cette année et on a donc 21 finalistes dans différentes catégories. 1 000 $ pour chacun à la clé, 5 000 $ pour le prix hommage. Ça, pour le prix hommage, on soumet des dossiers, mais on n'annonce pas tout de suite les finalistes. Ça va être vraiment dévoilé le 25 où on donne le prix hommage. Il y a également un prix important de la création artistique en région du Conseil des arts et lettres du Québec de 5 000 $ qui est remis aussi. Dans ce cas-là, on ne donne pas les finalistes, c'est vraiment remis à quelqu'un. En fait, ça, c'est les gros prix du calque qui sont remis dans le cadre d'Art Excellence pour mousser un peu le gala. Donc, dans les catégories, on a en littérature trois finalistes. Marcille Cossette et son ouvrage « Sur le parvis des nuages », Gilles Deveau, « Par-delà les barques endormies », c'est de la poésie, et Andrea Richard, « Au-delà des nuages ». Je dois faire comme pronostic que Gilles Deveau devrait l'emporter puisque, étant en certaine connaissance du milieu littéraire de Trois-Rivières, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, Madame Cossette et Richard, Monsieur ou Madame, là, Marcille et Andrea Richard, hein, c'est pas clair. Mais et d'autant que l'ouvrage de Gilles Deveau était très bon. Par-delà les barques endormies, ça c'est en littérature. Au niveau des métiers d'art, on a Guy Martin, Judith Picard et le duo Régnier-Bazanès. Encore là, je crois que le duo Régnier-Bazanès ont une longueur d'avance en termes de diffusion de leur travail. Ils font du vert. Et c'est lié avec le travail d'Alessandra Bazanès, qui est plutôt en sérigraphie, en gravure. Donc, c'est de la très belle qualité. C'est un duo argentin. Ils viennent d'Argentine. Ils sont à Trois-Rivières depuis quelques années. En art visuel, on a la belle compétition. Tous des membres de l'atelier Presse-Papier. Suzy Allen, Isabelle Clermont et Frédéric Guichard. Je leur souhaite bonne chance. Évidemment, je ne prendrai pas de parti pour trois personnes que je connais comme ça. Donc, belle représentation de Presse-Papier au niveau des arts visuels cette année. Prix de la création en art de la scène. Ça, c'est intéressant pour ceux qui vont voir des spectacles. D'abord, il y a celui de Danny Carpentier, alias Naïd, qui avait présenté son spectacle « Ma chambre noire ». C'était à la salle Louis-Philippe Poisson, ça fait pas si longtemps que ça. Ensuite de ça, Christian Laflamme et Charles Guillemette, concepteur. Laflamme, c'est le musicien derrière le Banzen, entre autres, etc. Charles Guillemette qui fait de la mise en scène. Ils avaient fait le spectacle Tapiskwanipinissi au début du mois de juillet, qui est un des spectacles des festivités du 375e. Un spectacle qui était un peu plus en marge, en fait, c'était très officiel, mais en marge de la lignée de spectacle très 375e avec toute l'équipe là, autour de laquelle, là, présentement, il y a un petit peu de vapeur. Là. Ça commence à être un petit peu chaud. On va entendre parler peut-être un peu de ce bilan du 375e qui a peut-être pas été rose. Mais parmi les belles activités là, qui ont peut-être un peu mieux dynamisé vraiment le milieu culturel, là, Tapiskwanipi. De mémoire, là, comme ça, c'était ce méga spectacle présentant début juillet. Et donc, deuxième nomination pour les, en art de la scène. Et le troisième, c'est l'O High Shop qu'on entendait ici avec leurs différents spectacles. Mais probablement un en particulier là, pour High Shop, qui est ce quatuor de Barbershop. Donc, c'est le groupe d'ensemble vocal qui, soit dit en passant, ont fait il y a quelques temps, je crois que c'était l'été dernier ou peut-être l'autre d'avant, le festival Juste pour rire, festival du rire, je sais plutôt comment ça s'appelle maintenant à Montréal. Ils sont souvent sur une belle trajectoire. On va en entendre parler beaucoup. Ça, c'était le prix de création en art de la scène. Plutôt, le prix de création en art de la scène, je dois dire, c'était donc Naïd et Christian Laflamme et Charles Guillemette et j'oubliais Fred Pellerin. Ah! Qui va probablement... on ne sait pas, mais bon. Je trouve ça un peu dommage quand il arrive des grosses pointures comme ça dans la catégorie. C'est un autre inconnu, ça, comparé surtout aux autres. Exact. C'est plus à l'échelle provinciale et au-delà. Donc, c'est ça. Je veux pas énumérer pour énumérer non plus, juste plutôt parler des noms. Donc, High Shop, c'est plutôt du côté de l'interprétation. Donc, c'est moins le spectacle création. Donc, tout monter le spectacle, mais vient livrer le spectacle. Et donc, en interprétation, il y a High Shop, il y a également Val Salva et encore Fred Pellerin. Donc, il est dans deux catégories. Au niveau de l'initiative culturelle, on a la chorale Brise du Nord, que je ne connais pas, Corporation culturelle de Shawinigan et les productions Sayar. Et enfin, le prix Culture Mauricie sera attribué à l'un des trois suivants. L'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Les Sages-Fous ou le Festival international Danse Encore. Je dois dire que mon coup de chapeau voit aux Sages-Fous pour cet été un superbe été de théâtre de rue, programmation à peu près toutes les semaines. Il y avait des activités des Sages-Fous et gens de leur milieu. Donc, je rappelle que les prix Art Excellence seront remis mercredi prochain, le 25 novembre à 19h. Le public est invité à participer, moyennant réservation. Et c'est ce que je voulais noter, ça sera présenté, ce gala, là, au Centre de démonstration en sciences, nouvellement inauguré au Collège La Flèche. Et j'y étais hier soir pour une démonstration des possibilités techniques de cet endroit-là. Il est fantastique. C'est un peu comparable à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Peut-être un peu plus petit, on nous dit 200 places. très à pic au niveau des marches, donc une visibilité parfaite. Il n'y a vraiment aucune tête, là, même Mathieu ne gênerait pas une naine, là. Il n'y aurait pas de problème. bel espace vraiment au niveau des infrastructures. Ils ont tout rénové et c'est particulièrement au niveau de la vidéo, les écrans qui sont là, le nombre de caméras possibles. Et là, au niveau de la démonstration scientifique, c'est fameux. On peut avoir toutes sortes d'expériences filmées sur tous les côtés. L'animation était très sympathique. Ça, c'est toute une série d'initiatives prises par le CDES et le Collège de la Flèche, plutôt pédagogique là, pour les groupes du primaire, du secondaire. Mais on invitait hier le grand public à venir voir de quoi il en retourne. Et cette salle-là sera également offerte pour différentes manifestations artistiques ou autres éventuellement. Donc, on aura peut-être l'occasion de parler de spectacles dans cette belle salle-là. Donc, je tenais à le mentionner au passage. Coup de pouce? Oui, ben peut-être que ça va attirer des jeunes en disant que Stéphane Bellavance devrait activer le porte-parole. Oui, quand même. Non? Ben oui, ça pourrait amener des jeunes, c'est moi qui vont en parler avec TV une fois de temps en temps. Ben, si vous êtes professeur, enseignant, primaire, secondaire, vous pouvez vous renseigner auprès du Collège de la Flèche ou au cdes.qc.ca. Et vraiment, une animation super, vraiment interactive, avec pas juste des petites affaires, là, tu brasses de l'acide puis du vinaigre, ça explose une petite canne. Des trucs assez intéressants, l'effet Doppler, par exemple, toute la question du son, beaucoup évidemment lié à tout ce qui est son et image, entre autres les tables de résonance, qu'est-ce que c'est qu'une onde, et des exemples formidable pour comprendre tout ça. Donc, chapeau au Collège de la Fèche et leur centre de démonstration en sciences qui vont donc accueillir ce gala hors excellence la semaine prochaine. En termes de gala, on a également petit retour sur le prix des gouverneurs général, grand prix du gouverneur général, dont la presse aujourd'hui fait état d'un certain marasme dans la remise des prix. Pas grand enthousiasme, je dois dire que je ne suis pas renversé non plus par les remises de prix, c'est-à-dire par les gagnants. Moi, j'avais fait certains pronostics l'autre fois, je ne les répéterai pas pour rien, mais simplement mentionner les prix les plus importants. Au niveau du roman, c'est Julie Mazzieri, française, mais originaire de Saint-Paul, de Chester, au Québec, qui a remporté qui est lauréate donc en catégorie roman et nouvelle. Elle a publié aux éditions José Corti. Et en poésie, Hélène Monette et son recueil Thérèse pour joie et orchestre chez Boréal. Donc, félicitations également à plusieurs autres gagnants en théâtre. Ah, il y a également au niveau littérature, pour la première fois, un ouvrage de littérature gagne deux prix. Le même ouvrage gagne deux prix, c'est-à-dire et pour le texte et pour l'illustration. Alors ça vaut la peine de mentionner, c'est Hervé Bouchard, le livre Harvey aux éditions de La Pastèque et l'illustration également. Ça mérite un prix au gouverneur général, donc ça c'est dit. Et enfin, dernière chose, le temps file, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est à 18h ce soir l'ouverture du Salon du livre de Montréal. Ça, c'est le Salon du livre de Montréal. C'est le Salon du livre pour ceux qui aiment les salons de livres. Il est immense. C'est à la Place Bonaventure. On parle de centaines et de centaines et de centaines de kiosques. Le salon ouvre ce soir, se termine lundi prochain, le 23. Et beaucoup de remises de prix aussi dans le cadre du salon, notamment le prix que j'aime bien, moi, Fleury Mesplet, qui est une contribution au progrès de l'édition québécoise. Fleury Mesplet, s'il faut rappeler, c'est le premier imprimeur de Montréal, un pionnier de l'édition au Québec. Ça, c'est quelque chose comme au 18e siècle. Et également le grand prix du Salon du livre de Montréal. Et ça, il y a beaucoup de nominés. On va regarder ça ici. Donc, c'est le public qui peut voter pour le grand prix du Salon du livre. Parmi les nominés en littérature, on retrouve Christine Brouillette, India Desjardins, Nicolas Dickner, Jacques Poulain, Michel Rabagliati avec Paul à Québec, Patrick Sénécal avec Elle.com. Donc, des noms quand même connus. Michel Tremblay aussi, donc, pour les prix en littérature. Et en essai ou livre pratique, ça, j'adore ça. Vous avez le choix entre Denise Bombardier, François Chartier et ses Papilles et molécules, également Ricardo Larrivé. Oh, pourquoi pas le guide du vin de Michel Faneuf, multidictionnaire à la langue française, super sexy comme ouvrage cette année, encore une fois. Marie-Ève de Villard, il faut le dire, fait un superbe travail avec ce multidictionnaire. Donc voilà les prix donc à attribuer au Salon du livre de Montréal. Pour y aller au Salon du livre de Montréal, il faut débourser une somme de 8 $. Il faut trouver le métro Square Victoria ou Place Bonaventure, oublier l'auto autant que possible. J'allais dire que par Internet, on peut avoir un accès pour 6 $ seulement au Salon du Livre. C'est salondulivredemontréal.com. Salondulivredemontréal.com pour toute l'information. Tous les kiosques, ça prend vraiment le plan de l'endroit. Là, si vous voulez aller voir les éditions, moi, X, Y, Z, bon, ben, c'est le kiosque, mettons, 789. Alors, il devrait être entre le 788 et le 790. Donc, ne vous reste plus qu'à marcher. Et à chaque kiosque, évidemment, il y a des auteurs qui se relaient, qui sont publiés dans ces maisons-là. Ils vous signent les livres. Vous pouvez acheter tous les livres sur place. Ils ont tous la carte de débit. Tout est favorisé pour vendre du bouquin. Et ça doit être une part significative des ouvrages vendus au Salon du livre pour une maison d'édition. Là. Ouais. Ça doit être une partie significative des livres vendus dans une année. Donc, je pense que ça fait le tour. Rare excellence. Voilà. Les gouverneurs généraux. C'est tout pour cette semaine. C'était une chronique très significative, elle aussi. Hein? C'était complet. Oui. Mm-hmm. certainement. Ben, il y a toujours d'autres choses en plus, c'est ça le pire. Je me rends compte que des fois, j'en manque. Le voir sort le jeudi, puis ah, j'avais oublié ça. Le Nord-Ouest, j'étais pas au courant qu'il y avait des shows. Le Complexe, ils ont commencé à faire des shows ailleurs qu'au Complexe. Okay. Non, fait qu'ils vont, ils se publicisent. Ben, ils se publicisent pas super bien, mais donc ça fait d'autres shows présentement. Donc, pour tout ça, je conseille nous de nous écouter et également le voir. Ça, c'est incontournable à tous les jeudis pour le spectacle. Ouais. D'ailleurs, un petit mot d'intérêt public, si vous faites des shows, annoncez-les donc, dans le voir, ça peut être le fun. Pas pire idée. Genre, messieurs du Zenob. OK? Clin d'œil, clin d'œil. Voilà. On écoute Étal Mixte tous les mardis à 18h aussi. Oui, en rediffusion à 14h maintenant. C'est vrai, hein? Les lundis. Les lundis. Lundi à 14h. Lundi à 14h, je ne l'ai pas dit lundi. Non, tu n'as pas dit lundi, mais c'est lundi. Je vous remercie, messieurs. À 14h. Merci à toi. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci, toi aussi. Avant de conclure l'émission, on va aller écouter une pièce justement du groupe La Maladresse dont on parlait tout à l'heure qui va faire partie de la première édition de la série de spectacles Feu de forêt dans le désert. Donc on écoute la pièce Les montagnes de La Maladresse à Assemblage Requis. La Maladresse avec la pièce Les Montagnes, donc groupe qui va être en spectacle vendredi à la Galerie Laparte, ici à Trois-Rivières, dans le cadre des Feux de forêt dans le désert. Oui. Et c'est ce qui met fin à l'émission pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, c'est terminé. On se quitte pour une autre belle petite soirée qui, en passant, sera remplie de rap à partir de 19h avec Rap 101 et Volteface. Mais avant ça, notez la nouvelle émission En attendant, qui est une émission de musique instrumentale éclectique. Ça commence à 18h. Moi, je vais vous retrouver, moi, Mathieu Plante, demain au Palmarès C'est fou, édition francophone à partir de 13h maintenant. C'est une nouvelle heure, donc notez-la. Oui, c'est nouveau. Donc, les mercredis, c'est Palmarès Anglo et les jeudis, Palmarès Franco. Donc, demain, à partir de 13h, tu nous balances en rafale toutes les pièces du Palmarès francophone. Et que c'est bien dit. Je fais ça juste pour toi. Je t'ai envoyé d'en face. Bing, bang. On va être aussi là, nous, Kiwan et Mathieu, à partir de 15h pour une autre édition d'Assemblage Requis. Hein? Demain, on va recevoir Maxime Lemulin-Ramé. Oui, demain aussi, une petite primeur. Je vous annonce tout de suite ça. Une nouveauté de Bonjour Brumaire. T'aimes ça, Bonjour Brumaire? J'adore Bonjour Brumaire. Nouvelle pièce demain. Merveilleux, j'ai déjà hâte, ce sera à 15h demain. Restez sur nos ondes et écoutez la pilule du lendemain à 7h et le dîner de con à 11h demain. Ne manquez pas ça, surtout pas! Passez une belle soirée. Bonne soirée. Bye. À demain, bye.